Le Centre d'études des étudiants du Brésil a donné dans leur homepage d'Internet l'article qui accuse les États-Unis de refuser le statut stratégique de la Corée, digne possesseur du nucléaire, et de mener toujours la politique d'hostilité habituelle et la politique de menace nucléaire anachronique à l'égard de la Corée.